الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. On continue donc l'explication du livre تعظيم الصلاة du Cheikh عبد الرزاق البدر sur l'importance et le respect de la salat. Et on expliquait le statut de la prière dans ce chapitre. Et le Cheikh, il explique maintenant, après avoir mentionné les preuves du Coran et de la Sunna au sujet de la gravité de délaisser la salat et de ne pas la faire, ou de ne pas la faire correctement ou à son temps. Le Cheikh, il mentionne maintenant les paroles des Sahaba au sujet de celui qui abandonne la salat ou qui ne prie pas. Et il mentionne ici, il dit وَقَدْ جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَثَارٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا. Donc il dit, il y a plusieurs paroles qui ont été mentionnées au sujet de ce sujet-là, parlé de la part des Sahaba. Et parmi ces paroles-là, voici quelques-unes de ces paroles. Il dit مَا جَاءَ عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وقال رضي الله عنه لا إسلام لمن لا إسلام لمن ترك الصلاة. Donc il dit, c'est rapporté selon Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه qu'il a dit, celui qui abandonne la salat, il n'a aucune part dans l'islam. Et il a dit également رضي الله عنه, il n'y a pas d'islam pour celui qui abandonne la salat. Donc il a mentionné ça, il dit قالها بمحذر من الصحابة رضوان الله رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد منهم. Il a mentionné ça en présence d'un grand nombre d'entre les Sahaba, et aucun d'entre eux n'a condamné ce qu'il a dit. Il dit بل قال مثل قوله هذا غير واحد من الصحابة منهم معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. Donc le Cheikh il dit que il y a d'autres également parmi les Sahaba qui ont dit cette parole là également, comme معاذ بن جبل, عبد الرحمن بن عوف, أبو هريرة et عبد الله بن مسعود et d'autres également رضي الله عنهم. Après il dit وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن أي في المساجد. Il dit celui c'est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه qui dit celui qui veut être heureux ou qui serait heureux de rencontrer Allah demain en étant musulman, qu'il préserve ses prières là où on appelle à les faire, c'est-à-dire dans les mosquées. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى. Car Allah a légiféré pour votre prophète les actions de la guidance et les voies de la guidance. وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى. Et ces salawat qu'on fait, les prières, elles font partie des voies de la guidance. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. Et si vous priez, si vous limitiez à prier votre prière dans vos demeures, comme cette personne qui est restée derrière et qui a prié dans sa maison, eh bien vous abandonneriez la sunna de votre prophète. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. Et si vous abandonniez la sunna de votre prophète, eh bien vous seriez égaré. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورُ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. Il dit, puis celui qui, il n'y a pas une personne qui se purifie et qui fait sa purification comme il faut, de la meilleure façon, puis qui se dirige vers une parmi les mosquées, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire pour chaque pas qu'il a fait une bonne action. Et pour chaque pas qu'il a fait, il va l'élever d'un degré et il va lui enlever un péché. ولقد رأيتنا يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. Donc Abdullah ibn Mas'ud il dit, et je me rappelle que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons on considérait que personne ne restait derrière la prière et priait chez lui, excepté une personne qui est un hypocrite dont l'hypocrisie, le nifaq est déjà connu. Et on amenait un homme parfois qui était, par exemple, s'il avait un handicap ou bien il avait une blessure ou quoi, il ne pouvait pas venir en marchant. Il y avait deux hommes qui l'aidaient, un homme à droite et l'autre à gauche, et il le soulevait jusqu'à ce qu'il arrive dans le rang pour prier avec les musulmans. Après, il dit, le cheikh, après avoir mentionné cette parole de Abdullah ibn Mas'ud, il dit, فَإِذَا كَانَ هَذَا شَأْنُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الصَّلَى مَعَ الْجَمَاعَةِ يعني يعده الصحابة رضي الله عنهم منافقا معلوم النفاق فكيف إذا بالتارك لها نسأل الله العافية. Donc le cheikh il pose une question très pertinente, en fait très importante. Il dit, si ça c'est l'importance de la salat, et que la personne qui ne venait pas faire la salat en jama'a à l'époque des sahaba, il le considérait comme un hypocrite dont on connaissait l'hypocrisie, alors que dire de celui qui ne prie pas du tout? C'est encore pire. Et il dit ensuite, inna mizat as-salat fi l'islam azim, inna mizan as-salat fi l'islam azim wa manzilatuha aliyah. Donc la balance de la salat dans l'islam, elle est grande, immense, et son statut est élevé. وقد فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. On a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre de prier, de faire la salat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans intermédiaire. من فوق سبع سماوات, au-dessus des sept cieux. عندما عرج به إلى السماء, lorsque il a fait son ascension vers les cieux. Et il dit, وَقَدْ وَرَدَ فِيهَا غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النُّصُوصِ مَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِهَا. Et il y a d'autres textes qui ont été mentionnés déjà, qui montrent le mérite de la prière, le grand mérite de la prière. وَعِظَمِ قَدْرِهَا, et la grandeur de son statut, de sa valeur. وَشِدَّةُ عُقُوبَةِ تَارِكِهَا, et la sévérité du châtiment de celui qui la délaisse. ومع هذا فقد خف ميزان الصلاة عند كثير من الناس. Et il dit, malgré cela, la balance de la salat est devenue légère pour beaucoup de gens. فمنهم من لا يرى في المساجد أبدا, لا يرى في المساجد أبدا في جميع الصلوات. Il dit, il y a des gens que on les voit jamais dans la mosquée pour aucune des salawat. وهو يسكن بجوار المسجد, et il habite à côté de la mosquée. يخرج من بيته لأعماله الدنيوية ولا يخرج من بيته لأداء الصلاة في المسجد. Il sort de sa maison pour ses œuvres, son travail de la dunya, mais il ne sort pas de sa maison pour établir la salat à la mosquée. وهو يسمع النداء خمس مرات في اليوم والليلة. Il entend l'appel à la prière cinq fois par jour et dans la nuit. فيقول سمعنا وعصينا. Il dit, nous entendons et nous désobéissons. والعجيب في الأمر أن هذا الرجل قد يسكن معه في البيت رجال من أهله يصلون مع المسلمين ولا ينكرون عليه. Il dit, l'étonnant de ça, c'est que la personne, peut-être elle habite avec d'autres hommes musulmans de sa famille qui eux font la salat avec les musulmans, mais malgré tout, ils ne le condamnent pas. de ne pas venir à la mosquée. بل يتركونه في البيت كأنه فعل ما فعل شيئا ينكر. Mais il le laisse dans la maison comme s'il avait rien fait de mal. ويؤكلونه ويشربونه ويجالسونه فأين الغيرة على الدين وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc il mange avec lui, il boit avec lui, il s'assoit avec lui. Donc où est-ce qu'elle est la jalousie pour la religion de l'islam? Où est-ce qu'elle est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal? Donc on va il reste une phrase. إلا من أراد بذلك نصحهم واستصلاحهم ومنهم من تهاون بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يأتي بها على وجهها ومنهم من يتهاون بالصلاة مع الجماعة وهو من وهذا من علامات النفاق. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est pas correct excepté pour celui qui veut leur donner le bon conseil et essayer de les réformer. Il dit parmi eux également il y en a qui délaissent la salat, c'est-à-dire parmi les musulmans il y en a qui prennent la salat à la légère ou bien qui la font mais qui négligent ses conditions et ses piliers, ses obligations, ils les font pas correctement, et d'autres qui négligent la salat en jama'a, et ça c'est parmi les signes de l'hypocrisie. Donc on s'arrête ici inshallah, puis on continue demain bi'idhnillah. وإياكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.